Cette émission est une présentation de RZO. Pour plus de podcasts et web télé, rendez-vous sur rzoweb.com. Cette semaine, Photoshop ou Lightroom, 5 photos que tout photographe prendra un jour ou l'autre, la critique d'accessoires Manfrotto et la critique du Fujifilm X-T1. Vous écoutez Objectif numérique, épisode 53. Avec moi, mes collaborateurs habituels, François Blanchette. 53 fois, merci. Christian Jarry. Comment tu veux que je fasse mieux que ça? Tu peux dire bonjour. Bonjour. Et de retour, Pascal Dupré. Bonjour. Alors, oui, on a réinvité Pascal parce qu'on va faire une espèce de débat. En fait, je pense que ça va être plutôt mon procès, là, d'après ce qu'on a vu. Mais... Je vois pas ce que tu veux dire. Non, c'est ça. Comme j'ai mentionné dans l'introduction... On va parler du syndrome d'addiction au matériel photo. Donc, c'est là où... T'en connais beaucoup là-dessus, hein, je pense. Ah, c'est pas tout de suite. On en parle tout à l'heure. Et c'est maintenant le temps de voter pour votre photo préférée pour le défi numéro 13, les panneaux routiers. Défi qui va permettre aux gagnants de remporter un abonnement d'un an au plan... Awesome! Oh, les gars, faut être plus tight. C'est d'abord de... c'est pas moi, c'est lui. C'est ça. Oui, c'est vrai. Christian était plus rapide sur la gâchette. Enfin. Un vrai sniper. Ah, voilà. Pour faire un lien avec le dernier épisode. Donc, voilà, un abonnement d'un an au plan Awesome! Awesome! C'est plus le temps, c'est François. Raté. J'étais prêt. Je sens que l'épisode d'aujourd'hui va être long. Et pour votre pénible, bonheur. Oui, c'est ça, pour votre bonheur, on juste l'espère. Pour toi, Stéphane. Nous autres, c'est jamais pénible. C'est surtout au montage après, mais bon. Alors voilà, défi numéro 13, le gagnant va remporter un abonnement d'un an au plan Awesome de 500 Pix. Et on va commencer avec une suggestion. On aime ça recevoir des suggestions et... Je sais que je le dis souvent à la fin des épisodes, mais là, je vais le dire au début. Envoyez-nous vos commentaires, vos suggestions, vos questions à podcast à objectifnumérique.com. Non. Ça, on n'a jamais reçu d'insultes. Non, c'est vrai, quand même. On vous remercie. Des bons auditeurs. Merci oui. Beaucoup, définitivement. Et ce n'est pas une invitation à le faire. Merci non. De votre collaboration. Non, mais c'est vrai, si vous avez des commentaires ou des suggestions ou des questions positif sur ou la négatif, photo. Mais oui. Même si c'est, je veux dire, c'est sûr qu'on a mieux le positif, mais s'il y en a, c'est sûr qu'on veut les avoir. Là. Mm-hmm. Ben, j'ai déjà une question en banque pour le prochain épisode qu'on a reçu, malheureusement, trop à la dernière minute. Mais en fait, c'est qu'on a, on se réserve un commentaire ou une question par épisode, sinon on pourrait passer, quoi qu'on le fera peut-être, un épisode complet là-dessus éventuellement. Mmh. Ça pourrait être intéressant. Oui. Oui. Mais c'est ça. Donc, on va passer à la suggestion de Steve Lévesque, un régulier. Hein. Bonjour Steve. Et qui, ça me semble, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de ces questions. Oui, ben c'est même pas une question, c'est une suggestion. D'accord. Hein. Donc, ben oui. Donc, Steve nous suggère un logiciel pour formater ses cartes SD. Parce qu'on sait bien que si on fait un simple formatage dans Windows ou Mac, et encore pire, si on fait un formatage rapide, ça n'efface pas vraiment le contenu de votre carte SD. Ça n'efface que, entre guillemets, la table des matières. Donc, les fichiers se trouvent toujours sur votre carte. Donc, soyez prudent. Si vous vendez ou donnez une carte à quelqu'un, vos fichiers s'y trouvent toujours, sauf si vous utilisez le petit logiciel que Steve nous suggère, qui vient directement de... sdcard.org, donc l'organisme, l'association SD, si on veut, là, pour les cartes, pour le format des cartes. Et ça s'appelle tout simplement le SD Card Formatter 4.0, logiciel gratuit pour Windows et pour Mac. Ah, oh, c'est bien. Donc, sdcard.org, et vous allez dans la colonne de gauche, c'est écrit « Downloads », et puis vous allez le trouver tout de suite, et on va mettre évidemment les liens dans les notes d'épisode. Messieurs, on va refaire un petit tour de table. C'est vrai, comme on avait fait au dernier épisode. Qu'est-ce que vous avez fait d'intéressant en photo? Avez-vous fait de la photo depuis le dernier épisode ou au cours des dernières semaines? François, qu'est-ce que tu as fait récemment? Mais j'ai eu la chance d'aller faire un tournage aux îles de la Madeleine. Mm-hmm. pour une émission qui va être diffusée sur TV5 Monde. Donc, les gens qui sont à l'écoute, c'est d'un peu partout, qui sont francophones, ont probablement accès à ce poste. Et puis, c'était un tournage sur les Blanchons, les phoques aussi, sur la banquise. Alors, ça a été vraiment incroyable. J'ai pas eu beaucoup l'occasion de prendre les photos que je voulais, mais j'en ai quand même eu pendant une journée. Précision pour les auditeurs français, des Blanchons, il n'y en a pas partout au Québec ou au Canada. Non, c'est vrai, c'est bon de le mentionner. Ils sont de passage, parce que ça part vraiment de l'Arctique, puis ça va descendre et ça va frôler les îles de la Madeleine, qui sont un petit peu à l'est du Québec. C'est quand, à ce moment-là, qu'ils passent qu'on peut y aller en hélicoptère, ou des fois même, ils sont assez proches des îles de la Madeleine qu'on peut y aller à pied certaines années. Mais bon, par exemple, cette année, ça prenait une demi-heure d'hélico pour y aller. Wow. Alors, avec Michel Drucker, on s'est rendu là, et Julie Snyder, qui est une animatrice québécoise, pour aller faire une émission de télé. Et puis, j'en ai profité pour amener mon appareil, évidemment. Et j'ai fait quelques photos. Que vous pouvez voir sur le site, que je laisse à Stéphane, il va pouvoir mettre ça sur le site. Super. Surtout la photo du petit bébé Blanchon. Là. Oui, c'est Bibi Fock pour ceux qui se rappellent l'émission. Là, c'est vraiment ça. Oui, c'est. En fait, j'ai eu la chance de m'approcher des Blanchons assez pour pouvoir les toucher, les flatter. Wow. C'est vraiment des petits bébés. Donc, ils cherchent à avoir leur mère. Si la mère est pas loin, ben, tu deviens leur mère après 5 minutes. C'est carrément ça. Tu peux juste passer du temps avec eux. C'est vraiment cute. C'est un vrai bébé, finalement. Ah oui, c'était vraiment incroyable comme trip. Puis, juste pour vous donner une idée de l'équipement qu'on avait sous la main, on travaillait avec des Canon C300 qui utilisent des objectifs Canon. OK. Bon. On avait 8 objectifs Canon pour 2 caméras au total. Wow. On avait 2 16-35, on avait 2 24-70, 2 70-200, une 24-105, une 100-400, qui était vraiment cool à utiliser. Oui. 400 mm, c'est pas souvent l'occasion d'avoir ça. As-tu l'occasion de l'essayer? Absolument, j'ai fait... As-tu aimé la façon de faire le zoom? Non, c'est une espèce de... On tire, puis on pousse sur le canon. C'est ça, pour ceux qui ne savent pas, c'est pas le... On ne tourne pas, celle-là, il faut vraiment tirer, pousser, ça a l'air particulier. Oui, oui. Ben, c'est un peu comme mon vieux Minolta 80-200, c'est exactement ça. On tire et on pousse pour... Puis moi non plus, j'adore pas ça. Parce que je parlais de ça au dernier épisode, là, sur les objectifs... l'objectif Sony versus le Tamron. Quand tu le prends... Mais le baril te descend, c'est ça, c'est vraiment pas pratique, là, parce qu'évidemment, le truc devient de plus en plus lousse, si on veut, là, avec le temps. Puis dès que tu le prends, le baril vient de monter complètement en haut, puis l'objectif tombe. Là, juste le coup que ça doit donner dans le mécanisme. C'est pas bon, c'est clair. Non, non, non. Fait que c'est ça, on a vraiment eu un beau trip, là. 2 hélicos, 6 GoPro avec tout ce que je vous ai énuméré juste avant. C'était vraiment une expérience à vivre. Là. En tout cas, ça coûte environ 600$ par personne. Si jamais vous êtes dans le coin au moment où les Blanchons et les phoques, finalement, qui viennent d'enfanter, tu sais, je dirais pas enfanter, mais qui viennent d'accoucher. De mettre bas. Oui, c'est de mettre bas aux Blanchons. C'est vraiment quelque chose. Là, ça doit être une expérience particulière. Ben, on parle d'autour de quelle date, si jamais ça intéresse des... Moi, cette année, c'était au mois de février, fin février. Okay. Ah, ça fait... Ah oui, je pensais que c'était plus récent, mais OK. Non, c'était fin février, Okay. Mais quand même, non, mais il faut le mentionner, parce que si les gens veulent s'y prendre à la mi-mars, il va être trop tard, au début avril. Il y a moins de glace un peu, peut-être. Ouais. Quoique cette année, on dirait que ça ne va jamais partir. Enfin. Ça, c'est une autre histoire. C'est ça. Christian, toi, qu'est-ce que tu as pu faire dernièrement? Ben moi, j'ai dû faire une critique vidéo d'un produit que j'ai essayé récemment pour Best Buy. Fait que j'ai... Oui, d'ailleurs, bienvenue chez Best Buy. Oui, merci. Puis non, c'est ça, ça a été comme ma première expérience à vraiment essayer quelque chose vidéo en tant que tel. Ça a bien été, ça, avec ma 7D, tout ça. Puis évidemment, ben, j'ai pris des photos des produits, des affaires, du produit en tant que tel. Fait que ça a été une expérience assez particulière. C'est surtout le montage vidéo. Mettons que maintenant, j'ai un nouveau respect pour toi avec le montage... Ben, audio, je trouve que c'est facile. Moins... Ouais, c'est plus facile que vidéo. C'est pas vraiment beaucoup plus dur, honnêtement. C'est juste de coller les morceaux et tout ça. Là, c'est de... Faut que je fasse une petite narration parce que j'ai essayé de faire une vidéo où je me filmais moi-même. J'ai fait, non, regarde. Flush, puis j'ai fait la narration. Après, moins compliqué comme ça, ça marche pas bien. Mais non, puis... L'autre affaire, ben ça c'est juste parce que c'est un clin d'œil comique, mais ma blonde a acheté un chapeau pour l'été à mon gars, puis c'est un chapeau genre un Fedora un peu, puis les trois enfants se l'ont passé sa tête, puis là ils ont dit « Ah, on veut que tu prennes des photos, fait que ça a fait une séance rapide, improvisée comme ça, mais ben oui, c'était comique. Non, tu vois, je me rappelle, je les ai vus aussi passer, ben je vois tous tes trucs passés sur Facebook, mais on dirait qu'on les voit, on les regarde, on clique j'aime, puis à un moment donné, on oublie. Ben, il y a mais... tellement de choses qui passent qu'à un moment donné, on passe à un autre appel. Tu sais. Ouais, c'est ça. Puis t'avais, au cours des dernières semaines, t'avais photographié aussi un spectacle ou deux, je présume. Je vois pas ce que tu veux dire, oui, définitivement, oui. Ben, entre autres, c'était avec l'Olympus la dernière fois quand on est allé voir Imagine Dragons. J'ai fait une vidéo, puis d'ailleurs, j'avoue que celle-là, il m'a. L'Olympus, là, pour mes spectacles, là, il commençait à me démanger pas mal. Là, j'avoue c'est un bon appareil pour ça. Ouais. J'ai voulu amener le X-T1 dans un show, mais j'ai pas passé le garde de sécurité. Ah non! Non. Dommage. C'est de ma faute parce que le gars, il demande, il dit l'objectif s'enlève-tu. Puis j'aurais pu juste dire oui. Le gars, c'était évident que c'est ça qu'il voulait, mais je suis trop honnête, j'ai dit oui. Fait qu'il dit, ben, je suis désolé, je peux pas le rentrer. J'ai fait, pourquoi tu y as dit oui? Tu sais, j'aurais pu juste dire ça, puis j'aurais rentré avec. Ben ça aurait été correct. Donc, j'aurais pas de stress. Je n'ai vu plein avec dans place, mais bon, en tout cas, regarde. Dommage. L'honnêteté, ça paye pas toujours. Eh oui. Moi, de mon côté, ben, en fait, moi, j'allais dire que j'étais allé. Ben, je suis allé à Disney on Ice il y a quelques semaines avec mes enfants. Ah, moi aussi, c'est vrai. C'est vrai, toi aussi, t'es allé. Puis j'avais apporté mon petit Nexus parce que j'ai pas osé apporter le Sony A7. Je me suis dit. Disney on Ice, c'est la meilleure place que tu peux l'amener parce qu'il y a tellement. Tu mets ça dans le sac avec les enfants, ils regardent à rien. Je le sais, puis même qu'ils disent au début qu'on peut. Du moment que c'est pour un usage personnel, c'est permis. Donc, j'ai déjà amené ma 7D. J'ai déjà amené ma 7D et j'ai pas eu aucun problème. T'aurais dû me dire ça. Moi, j'ai apporté le plus petit que je pouvais, le Nexus avec l'objectif motorisé de base pour que ce soit le plus compact possible. Puis, mais bon, c'est pas plus grave parce que c'était pas le truc le plus extraordinaire à photographier. Mais tu sais, ça fait encore de la pratique, de l'expérience pour de la photographie. Donc, j'ai dit, je vais en profiter, je vais prendre ce qui passe. Je n'ai fait quand même pas mal, mais de la photographie, justement, de spectacle, ça, c'est loin d'être facile. Mm-hmm. Parce que ça te prend... J'aurais aimé ça avoir ton A7, justement, pour faire ça, parce que tu as justement beaucoup de choses qui sont pratiques là, sur ce genre d'appareil qui aurait été pratique. Dont le focus peaking. Parce que la première chose que je pense en spectacle, c'est que les intensités de lumière changent à chaque chanson. T'as pas d'idée comment que c'est fait. Ah, j'ai une très bonne idée. J'ai beaucoup filmé. Mais François, il filme la voix aussi, entre autres. C'est vrai, Un petit émission de télé. Vaguement, Mais je pense que ça va être. Ça va se vendre dans quelques pays, peut-être un jour. Peut-être. Écoute, je pense. The Voice pour les auditeurs français. Mais non, c'est ça. Mais ce que j'ai fait aussi. Il n'y a pas si longtemps, je suis allé au spectacle de Kraftwerk. Ouais. Et j'ai apporté mon petit Nokia Lumia 1020. Parce que là, évidemment, je ne voulais pas traîner un appareil photo parce qu'il y avait tellement de monde. De toute façon, c'était des places debout. Donc, il n'y avait pas un endroit où j'aurais pu ranger mon... Assez vite pour ça. Ouais, c'est ça. Non, mais j'avais pas l'intention d'aller m'asseoir de toute façon. Mais oui, si j'avais... si j'avais pu apporter un appareil photo puis j'avais prévu la soirée en conséquence, oui. Mais là, j'y allais avec des amis et tout ça. Puis j'ai dit, ben non, j'avais l'intention d'être le plus près de la scène possible et tout ça. Puis là, j'ai dit, ça me prend un téléphone. Quel meilleur téléphone que le Nokia 1020. On a vu les photos sur ton fil Facebook. C'est quelque chose. Et encore là, les photos, moi, je les ai trouvées moins bonnes qu'au spectacle de The Orb que j'avais filmé l'automne dernier, photographié l'automne dernier. Parce que j'étais constamment zoomé au maximum, parce que j'étais plus loin de la scène. Mais les vidéos, Le son qui sort aussi de cet appareil-là, c'est incroyable. Ouais. Les sons graves et tout ça. Là. Mais enfin, pour la vidéo, c'est cet appareil-là est génial. Je te le dis, pour la vidéo, c'est très rare. Ben, celui qui m'a impressionné, l'Olympus, j'ai eu une vidéo sur mon canal YouTube que j'ai filmé au show d'Imagine Dragon et le son était incroyable. Sincèrement, l'Olympus, je dois avouer que j'ai été surpris. Puis c'est la première fois que ça m'arrive. Parce que généralement, le son, c'est le parent pauvre du vidéo. Oui, puis ça, oui. Le son, j'ai pas l'autre expression, mais ça clip. Là, ça, oui, ça sur déborde. Un portable, effectivement, il n'y a pas de compresseur audio. Donc, ici, exactement. Si un limiteur, ça rentre trop fort, ben ça rentre trop fort. Il n'y a pas de système pour compresser le son. Je sais pas pourquoi, à chaque fois que j'entends compresseur, je pense à l'ami Benoît Gagnon. Qu'on salue. Je comprends pas. Le rire de Benoît dans un micro force l'achat d'un compresseur. Mais bon, on en a toujours pas, mais on pensera à lui quand on le réinvitera une troisième fois. Mm-hmm. On va passer maintenant à quelques petites nouvelles rapides. Justement, François, toi, tu avais une nouvelle. Ben, vous vous rappelez de la caméra Samsung Galaxy? En fait, la Galaxy Camera j'avais testée, que j'étais tombé en amour, il y a la version numéro 2 qui vient tout juste de sortir. Puis la question, c'est bon, ben, il y a une version 2, est-ce que ça va être aussi bon que la première? Est-ce que ça va être amélioré? Évidemment, on s'attend au minimum à ce que ça soit amélioré. Qu'est-ce qu'ils ont amélioré finalement? Qu'en est-il? Ben, il y a toujours toujours Android, évidemment, d'installer dessus. C'est vraiment Samsung, c'est collé à Android. Ils sont vraiment les... Jusqu'au jour où ils vont faire le saut vers Tizen, leur système qu'ils ont intégré dans la montre Gear, les montres Gear. On verra, là, mais entre-temps... Pour l'instant, c'est Android, all the way. Donc, c'est la version 4.3 de Jelly Bean, mais bon, on s'entend, là, ça va être super... on va pouvoir vraiment l'ajuster, l'upgrader aux dernières... le mettre à jour. Oui, le mettre à jour facilement parce que c'est carrément un téléphone. C'est la même chose. C'est le système Android qu'on connaît tous un peu partout. Du côté processeur, on passe de 1.4 à 1.6. C'est pas une énorme différence. Non. Ouais. La RAM, on passe de 1 à 2 gigs. Ça commence à changer. Pour l'espace, pour les informations, la musique, les films qu'on peut rajouter dessus, ça passe de 4 à 8. Ouais. Y avait une fente, je crois, micro SD. Exactement. Dans le premier, je pense. Elle est toujours là. Elle est toujours là. Donc, on peut aller jusqu'à 64 gigs avec ça. Donc, c'est pas tellement important qu'on passe de 4 à 8, finalement, parce qu'on peut aller mettre une carte SD de la grosseur qu'on veut jusqu'à 64. Donc, ouais, c'est ça. Puis maintenant, il y a des cartes... Une micro SD. Maintenant, il y a des micro SD classe 10, donc qui vont quand même lire et écrire assez rapidement. Ben, c'est pas une mauvaise chose que tu mentionnes ça, parce que moi, sur mon Samsung à moi, j'ai un Galaxy S3, quand j'utilise la carte SD externe, si je mets des photos ou des programmes, ils sont un petit peu plus lents. C'est plus lent. Hein? Oui, c'est un petit peu plus lent. Fait que peut-être avec une carte plus rapide... Là, on pourrait aller sauver, c'est parce que la carte, parce que la mémoire interne du téléphone est vraiment plus rapide, évidemment, à cause de l'écriture et la lecture. Fait que peut-être que, tu vois, tu me fais penser, peut-être que je pourrais changer ma carte pour une plus rapide, puis peut-être gagner. Je me rends compte que quand je vais dans mon album photo, c'est un petit peu plus lent. Quand j'ai un contact qui m'appelle, les photos du contact sont sur la carte externe. Ça prend plus de temps avec la photo apparaît pas tout de suite. C'est ça. Elle apparaît une fois que j'ai répondu. Tu vois, là, j'ai le catalogue B&H devant toi, là, tu partiras avec. Ça fait mal. Tu pourras me casser. Non, enlève ça de ma face, Christian. En termes de dimension pour la Galaxy Camera 2, c'est sensiblement la même chose. On parle de quelques millimètres de plus large que l'autre. Mais pour le poids, vraiment, on passe à une caméra un peu plus légère. Okay. Curieusement, la batterie est plus grande, elle est plus grosse, elle a plus grande capacité. On passe de 1650 mAh à 2000 mAh. Ah, c'est bien. C'est bien. C'est bien, mais c'est peut-être parce que le processeur est un petit peu plus rapide aussi. Hein, que... Ouais. Fait que peut-être que ça s'équivaut en bout de ligne, le test ne le mentionne pas vraiment. Donc, c'est du côté processeur puis tout, mais du côté caméra, c'est rien de nouveau. C'est la même chose. Capteur de 16 mégapixels CMOS. L'objectif toujours 21X. Le même capteur? C'est le même capteur. Oh, ça, c'est une déception, par exemple. Oui, hein, quand même. Ben oui, surtout que c'est vendu Galaxy Camera. Oui. Puis là, ils mettent version 2, ouais. Puis la caméra, l'appareil photo n'est pas mis donc, à niveau. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis à niveau le processeur et quelques trucs comme bon, la RAM et tout ça. Eh ben. Il y a pas... très peu, honnêtement. Là. On parle ben, pas de le processeur, c'est pas une grosse différence. La RAM, OK, non. Là, mais... Ouais. L'ouverture maximale ne change pas. Même chose, il n'y a rien qui change de ce côté-là. Okay. C'est une puce NFC, il y a 4G LTE, l'écran de 4.8 pouces, il n'y a rien qui change de ce côté-là. Et est-ce que ça vaut la peine? Ça, c'est la question. C'est quoi la différence de prix entre les deux? C'est, en date d'aujourd'hui, c'est environ 70 $ De plus? De plus. Bon, là, c'est à vous de voir si... Là, on parle en dollars canadiens. Là, c'est 500 $ canadiens pour la Galaxy Camera 2. Ou 430 pour la première version. Okay. Là, à vous de voir si ça vaut 70 $ la différence entre les deux. Je pense que non. Par contre, la première version va assurément baisser de prix ouais, ça, c'est pas mal avec sûr. Le temps. Puis là, je pense que ça va valoir la peine mm-hmm. d'aller acheter la première version et non la deuxième parce que l'écart va probablement se creuser entre les deux prix. Ouais, ouais, ouais. Moi, donc, si j'étais vous, j'attendrais. Si c'est le type de caméra qui vous intéresse, c'est-à-dire un appareil complètement Android, pareil comme un téléphone, là, qui fait vraiment toutes les mêmes fonctions, et un appareil photo de très bonne performance. Oui, puis un zoom optique 21X, oui, c'est génial. Qui est quand même bien, là. On s'entend, pour le même prix, on va quand même avoir de meilleurs résultats avec un appareil photo dédié. Sauf que un smartphone... attaché à ça. C'est ce qu'on disait quand tu l'avais essayé le premier pour le voyage. Quelqu'un qui s'en va en voyage. C'est complet. Ouais. C'est complet. Là, tu as un appareil pour aller dans un café internet puis aller faire tes trucs. Ben non, puis, ouais. Tu as un appareil photo. Ouais. Génial. Donc, mon conseil, attendez un petit peu, voir si les prix ne vont pas baisser encore un peu plus. Absolument. Parfait, merci. De mon côté, moi, j'ai remarqué, bon, vous allez dire que j'ai un parti pris, mais c'est Sony qui plancherait sur un appareil medium format, donc format moyen. Mais quand on parle de capteur format moyen ou medium format, on parle de 44 par 33 mm au lieu de 36 par 24 pour un plein capteur. Donc, c'est quand même un gain important. Mm-hmm. Et puis, bon, pour le moment, c'est encore à l'étape de rumeur, au stade de rumeur, mais il semblerait que le capteur qui serait utilisé, c'est celui qui est utilisé dans l'appareil Hasselblad H5D50C qui coûte la modique somme de 27 500 $ en ce moment. J'en ai deux à la maison, je vous l'ai utilisé jeudi. Ah non, ah c'est ça qui orne ton foyer de ouais, chaque côté. C'est ça, ouais. Pour la déco. Là. Ouais, exact. Ah, ouais. C'est pas pour tenir les livres. T'es comme ça toi, Christian. Mais il semblerait que, en fait, ça serait un appareil de la gamme RX, comme le RX100 ou le RX1. Qui coûterait environ 5000 $. C'est quand même un bon montant, là, on s'entend, mais on parle d'un format moyen pour le capteur, ouais. Ce qui est quand même impressionnant. La profondeur de champ là-dessus. Et oui, tu peux aller chercher quelque chose d'assez mince, merci. D'assez ouais. Flou, d'assez doux, d'assez... ouais. Les mots me manquent. Ben, c'est des beaux flous. Oui, oui, oui. Il semblerait que l'appareil ne va pas compétitionner avec cet appareil, l'appareil d'Hasselblad, là, c'est vraiment un truc à part, mais il y a deux appareils déjà qui utilisent ce capteur-là, ou en tout cas un capteur similaire, le Pentax 645D2 ou DII, et le Phase 1. Donc, ouais. Puis, le Phase 1. Oui. On dirait une arme ouais, futuriste. Phaser, ouais, ouais, hein? Mais enfin, c'est encore au stade de rumeur, mais c'est rare aussi que je tombe vraiment dans les rumeurs, mais là je trouvais ça intéressant parce que ouais. C'est quelque chose de différent, c'est pas juste ah, peut-être qu'il va y avoir un deuxième appareil à plein capteur, là c'est vraiment on passe dans une autre catégorie. Puis là ben comme Sony innove depuis deux ans et demi, pourquoi pas aller voir du côté du format moyen. Donc à suivre. Absolument. Ouais, ouais. Moi je vais garder c'est peut-être la prochaine étape, tu sais. Possible. Ouais. Parce que une fois que c'est démocratisé, ben ça coûte moins cher. On a des pleins capteurs, là, 1700 $ le Sony A7. Ouais. Un capteur à format moyen, ben ça commence à 5000, mais ça peut descendre peut-être dans les 3000, 3500 éventuellement, puis les pros vont pouvoir commencer à s'en procurer, pourquoi pas. De ton côté, François, tu vas nous parler de photos que tout photographe prendra un jour ou l'autre dans sa carrière ou dans son son passe-temps. Oui, oui. Vous avez beau vous discipliner à ne pas les prendre, ces photos-là, mais ça va être plus fort que vous. Vous êtes totalement incapable d'éviter de presser votre déclencheur devant ces 5 prochaines situations que je vais vous décrire. Je vous mets au défi, les gars, de ne pas le faire. OK. Même après avoir entendu ce que je vais dire. On va le faire juste pour te faire... Bon, premier exemple. Quand on se retrouve devant une scène de décrépitude urbaine, tu sais, quand on a parlé de Urbex, là, de ouais. Urban Exploration, ben c'est sûr qu'on va avoir envie de prendre une photo. Tu sais, la fois, là, tu sais, si c'est déjà fait, là, la première fois que tu es passé par la fenêtre cassée d'un immeuble abandonné pour aller faire une photo de la vie après la vie, tu sais, ça nous inspire toutes. Là, ah, absolument. Ben, évidemment, tu es allé de jour parce que la nuit, c'était ben trop épeurant. Ah oui. Puis on en a parlé avec Ben. Ouais. De soir, là, c'est moins recommandé. Deuxième situation, l'étranger. Hey, tu vois-tu le gars là-bas là, qui attend au coin de la rue? Tu sais, celui qui a le regard un peu vide, là, une peau crevassée et un look de perdant. Là. Ben, ça ferait une excellente photo, hein? Tu penses pas? Mais pour ça, on peut pas vraiment le déranger. Tu peux pas lui parler ou encore pire que ça, de l'approcher. Là. Non. Il faut que tu prennes la photo. Tu ne feras pas signer ta décharge de photo. Non. Il faut que tu prennes la photo d'où tu es, de l'autre côté de la rue. Ouais. Mais c'est correct parce que c'est pour ça que tu as acheté un zoom. Fait que pour éviter le plus possible le contact humain, tu peux pas vraiment. Fait que c'est parfait ça. J'ai un zoom. Je suis certain que la photo elle va être bonne, même avec le taxi qui passe en avant-plan au même moment. Ah, voilà. Oui, vraiment. Ça va faire un beau flou dans le bas de la photo. Une autre situation qu'on se retrouve devant et qu'on peut vraiment pas s'empêcher de déclencher, c'est les belles montagnes. Si tu habites loin d'une ville ou bien que tu as voyagé un temps soit peu, ben tu as été charmé par la beauté incroyable que notre mère, la Terre, a mis au monde pour toi, ces fabuleuses montagnes. C'est toujours beau, là, tu sais. Puis il faut que tu captures ces montagnes-là, tu sais. Il faut absolument que tu prennes une belle photo de ça. Ben cette photo-là, comme bien d'autres photos dans cette liste que je suis en train de vous donner, est souvent suivie d'un moment où on décante le feeling. Une fois que c'est pris, puis tout ça, bon, t'es revenu de ton voyage, c'est bien beau. Mais c'est souvent à ce moment-là que tu veux montrer la photo à quelqu'un d'autre, puis que tu t'attends à ce qu'il soit aussi estomaqué tellement que c'est beau. Puis, tu sais, tu l'as vu qu'en personne, tu sais, fait que t'as versé une larme, puis tu voudrais tellement que cette personne-là vive le même moment que toi, là, tu sais. Sauf que, tu sais, c'est plus comme « Ah, oh, wow! » Tu sais, ou un autre commentaire de remplissage que tu vas avoir, cool. Là, tu sais. En passant, tu peux appliquer ça aussi aux photos de ville. Là, ouais. Ben, j'ai presque versé des larmes les photos de Pascal avec c'était l'Himalaya, non? Ou l'Everest? Oui, ouais, sans doute. En tout cas, un de ces deux-là, Pascal les a visités à quelques reprises. Bon, mais c'est un bon signe, ça. Ouais, c'est un signe d'un bon photographe. Une autre situation que, si vous n'êtes pas déjà retrouvé, vous allez vous retrouver, c'est sûr, un jour ou l'autre, c'est les amoureux. Il n'y a rien à faire avec ça non plus. Là, aussitôt que tes amis tombent en amour, là, ils te demandent à prendre une petite photo d'eux autres, là, du type « Hey, regarde comment on est beau, là, on est tellement beau, ça te donne pas envie de vomir. » Oh my God. Quand c'est toi qui es en amour, ben tu vas vouloir que quelqu'un prenne des photos de toi puis de ton amour. Mais tu sais, tous tes amis sont minables pour prendre des photos. Ils sont flous ou bien ils sont cadrés toutes croches. Ah, puis tant pis, là, tu sais, tu te dis, je vais la faire moi-même, la photo. Mais là, tu sues de partout parce que t'as couru pour venir te placer dans le cadre, tu sais. Ou bien encore, on voit ta télécommande dans la main. Pire que ça, tu sais, on voit ton bras en pleine extension dans chaque maudite photo que t'as pris. Là. Des selfies! Oui! Fait que là, tu finis par dire, ben là, je vais prendre mon amoureuse toute seule, tu sais. De toute façon, elle est tellement belle, j'ai pas besoin d'être dans la photo. Hey, elle est vraiment belle, hein? Toute seule, sans moi. Oh merde! T'es déprimant, toi. T'es vraiment dedans, en tout cas. La dernière situation que je vous garantis que vous allez tout avoir un jour ou l'autre, c'est les longues expositions. Aussi connues sous le nom de « Oh, regarde les lignes de lumière! » C'est souvent une photo prise d'un toit d'immeuble en regardant vers la rue avec y a plein de voitures qui passent. Tu sais, ce genre de photos-là. Ben moi, je veux en faire une un jour de ces photos-là. Ben, mais j'ai jamais montré. Tu vas en faire une, Stéphane. Tu comprends-tu? C'est sûr que tu vas en faire une. Mais d'habitude, elle est faite au début de ta longue épopée d'amateur de photographie. Ouais, mais moi, je suis anticonformiste. Donc. Ah, OK, c'est bon. D'habitude, c'est au même moment que tu réalises la puissance de ton objectif puis de l'impact de la lumière sur ton travail. Tu sais, c'est là que ça, tu réalises tout ça. Mais cette photo, elle va toujours avoir un attachement sentimental pour toi. tu sais, ça va te rappeler le moment où tu es rentré dans le monde de la photographie puis de toutes les possibilités qui s'offrent à toi. C'est pour cette raison que cette photo est belle. Montre-la pas à personne. Parce qu'ils la connaissent, ils l'ont fait, les autres ici. Ah, j'aurais envie de t'applaudir, c'est, vraiment. C'est drôle, là. J'ai pensé exactement la même chose. J'ai failli t'applaudir, celle-là, François. Franchement, là, c'est un magnifique monologue. Bravo, bravo. Écoute, ben merci. Là, plaisir. Il va falloir que j'enchaîne, moi, avec un sujet sérieux, imaginez. Je suis désolé, chers auditeurs, mais quelqu'un doit faire ça. On va essayer ça. De vous réveiller. Prenez un petit Red Bull ou quelque chose. Quelqu'un doit faire ça, sale boulot, et c'est moi. Enfin. Mais non, mais souvent, les gens se demandent, Photoshop ou Lightroom, quand est-ce qu'on doit utiliser l'un ou l'autre? Ça dépend des moyens. Oui, entre autres. Mais il y a toujours... Non, mais pour vrai, Adobe offre encore le forfait Photoshop et Lightroom à 9,99 par mois. Ah oui, c'est vrai, depuis le virage en ligne, cloud, ouais. Slash, ouais, on va le prendre l'argent à chaque mois. Ouais. Oui, mais... C'est ça revient moins à, cher quand même que... Ça revient à 120$. Même si tu le payes pendant 3 ou 4 ans, ça revient moins cher mais que Photoshop et Lightroom. US? Non, non, sur le site canadien-français. Là. Je sais pas pour la France. Ah, ouais, alors, faudrait que je vérifie parce mais... que quand je m'étais arrivé pour m'abonner, il me semble que ça avait tombé comme 20$. Je fais, oh, non, je suis allé cette semaine. Ah oui, ben, je vais aller revenir. La semaine dernière. Mais non, ça vaut vraiment la peine. S'il est encore là, allez voir sur adobe.com puis vous choisissez le site Canada ou France ou peu importe. Et normalement, ça devrait encore vous offrir ce forfait-là. Photoshop et Lightroom ensemble. 10$ par mois, 120$ par année. Faites le calcul, ça vous prend à peu près 5 ans avant que ça vous coûte la même chose que si vous aviez acheté Photoshop et Lightroom. Et normalement, si vous avez gardé votre version 5 ans, elle commence à être vieille. Là, vous avez les mises à jour constamment. Aussitôt que les mises à jour sont disponibles, ben, c'est installé. Ouais. Mais pour revenir au sujet... Quand est-ce qu'on doit utiliser Photoshop et quand est-ce qu'on doit utiliser Lightroom? Alors voilà, ben c'est pas compliqué. Normalement, Lightroom, si vous faites surtout de la photo, ça va vous servir à peu près tout. La retouche, la balance des blancs, rogner votre photo, vraiment des retouches de base, mais pour l'exposition, ces trucs-là, même les couleurs, la saturation, etc. Corriger le vilain petit bouton qu'il y a dans le front. Oui, absolument. Ouais. Puis quand là, vous avez vraiment des trucs plus gros, plus lourd, plus complexe à faire, mais là, vous allez dans un outil comme Photoshop où là, vous avez des outils à précision chirurgicale et beaucoup plus poussés, dont l'outil de clonage qui se retrouve aussi dans Lightroom, mais je préfère de loin l'utiliser, moi, dans Photoshop que dans Lightroom. Je suis plus à l'aise, mais j'avais décidé de faire l'achat des deux à un moment donné. Si vous avez le choix entre les deux, optez pour Lightroom au départ. Surtout si vous faites de la photo sans trop retoucher, là, changer la photo elle-même. Là, si vous faites uniquement un peu de post-production, allez-y avec Lightroom, qui généralement est moins cher et se vend encore, je pense, en version seule. Sinon, s'il y a encore le forfait offert par Adobe de Photoshop et Lightroom, sautez là-dessus parce que ça coûte drôlement plus cher normalement. Là. C'est... Puis on ne sait jamais quand ce genre de prix-là ne va pas disparaître. Exactement. Donc, si vous avez... Si vous prenez l'abonnement, ben je présume que vous avez une espèce de clause grand-père qui vous dit bon ben tant que vous continuez à payer, parce que moi je continue à payer sur Flickr en passant, même s'il est devenu gratuit. Moi là, aussi. Parce que ça me revient à 6,50$ par 3 mois. Puis si on fait le calcul, ça fait à peu près 30$ par année au lieu de 50. J'ai les statistiques, j'ai pas de publicité sur mon compte personnel. Mm-hmm. Donc c'est plus avantageux. Donc, même chose pour Adobe, si vous commencez à payer l'abonnement. Et qu'un jour, ben, le spécial est fini, l'offre est finie, ben, vous allez pouvoir continuer à payer le même montant, je présume. Puis tant que vous payez, vous profitez de ce prix-là. Alors voilà, comme je disais, ben, en fait, Photoshop aussi, à part la retouche plus avancée, plus complexe, vous pouvez faire évidemment du HDR, dont on va parler éventuellement. Je pense que ça fait 6 mois qu'on dit qu'on va parler de la photo HDR, mais ça s'en vient, le beau temps s'en vient, on va pouvoir faire de la photo dehors. Oui. Préparez-vous, chers auditeurs. J'ai un petit oiseau qui me dit qu'il y a un défi photo qui s'en vient, qui va être sur la photo HDR. On va pouvoir prendre la HDR. Ouais, c'est ça. Et non, mais on parlait il n'y a pas si longtemps, il y a 2-3 épisodes, de la technique Brinizer aussi, donc ou des panoramas tout simplement. Ben, Photoshop est beaucoup plus adapté pour tout recoudre ensemble, mettre toutes ces photos-là ensemble. Petite parenthèse par rapport à ça, j'ai fait des essais. pour la technique Brin Lizard, mais j'ai un léger problème auquel j'avais pas réfléchi, c'est que j'ai plus d'objectif. Mon objectif 24-70 2.8 est décédé. Ah. Et, ça fonctionne plus du tout. Fait que j'ai un objectif juste à 4, ce qui est pas assez pour donner un effet intéressant. Mais il y a un petit logiciel qui vient gratuitement de Microsoft qui fait une job magnifique. J'ai réussi à faire le panorama, c'est Mice ou je me rappelle Ice. Pas. Ice, c'est ça. Puis ça fonctionne super bien. Tu lui donnes tes photos, puis il les remonte, puis le résultat était très bien. C'est juste que, bon, il y avait zéro profondeur de champ parce que j'étais à F4. Fait que disons que ça casse la technique Brin Lizard, mais je vais essayer de m'en trouver un là, pour vous montrer un exemple de ça. Mais sinon, ça fonctionne très, très bien. Là. Puis comme je dis, c'est gratuit. Fait que... Parfait. Puis justement, pour le lien, vous allez dans l'épisode 51. Il y a plusieurs logiciels même. Il n'y a pas seulement Microsoft Ice. Donc, il y a plusieurs logiciels où vous pouvez faire des montages panoramiques ou utilisant la technique Brin Lizard. Donc, on vous invite à aller voir les notes d'épisode pour l'épisode 51. Dans mes exemples, si vous faites des composites, donc plusieurs photos mises superposées, si on veut, ou des trucs comme ça, Photoshop est beaucoup mieux adapté à faire ce genre de... Ouais, vous avez des meilleurs outils pour faire ce genre de photos-là que essayer de mélanger ça dans Lightroom, ça fonctionnera pas, ou en tout cas, ça va prendre un temps fou. Lightroom, c'est vraiment un logiciel de développement photo. Là. Oui, c'est, carrément. On parle des outils les plus utilisés par les photographes. Comme si vous étiez dans une chambre noire virtuelle. Mais oui, oui. Ah, c'est ça le titre! Ouais. Mais en fait, au lieu de Darkroom, c'est Lightroom. Alors voilà, c'était mon petit topo pour faire la distinction entre Photoshop et Lightroom, tout simplement. Parlant de Lightroom, j'ai l'impression qu'on va peut-être avoir la visite de l'ami Éric Santerre dans quelques épisodes pour avoir quelques trucs Lightroom un peu plus avancés. Ça pourrait être intéressant. Oui, super. Ça. J'en ai glissé un mot, donc c'est une question de quelques semaines, probablement. Christian, maintenant, tu vas nous faire... tu vas nous donner tes impressions sur un accessoire Manfrotto que tu as eu la chance de tester. Oui, un sac à dos. Ben, pour être honnête, moi, Manfrotto, quand j'entendais parler de ça, c'est des trépieds. Des trépieds, oui. Moi, c'est ça. Mais je savais même pas qu'ils faisaient des sacs à dos. Quand on a eu l'occasion d'en essayer un, ben, c'est sûr et certain qu'on est toujours intéressé d'essayer un nouveau produit. Ben oui. Dans le cas présent, bon, je dirais pas, bon, c'est un sac à dos, là. Je vous ferai pas une critique là, super développée. Là. On parle quand même d'un sac à dos d'une... d'assez belle qualité, c'est un matériel d'assez bonne qualité, là, le genre de choses qui se défera pas ou qui s'abîmera pas facilement. Okay. J'ai trouvé que ce qui m'a probablement le plus surpris, bon, le sac à dos est gros, très gros. D'ailleurs, c'est peut-être, ben, je peux pas dire que c'est son point faible. Ça l'est pour moi, mais ça l'est pas nécessairement pour quelqu'un qui en a besoin. Moi, j'ai trouvé ça trop gros pour moi, mais l'avantage, c'est le nombre d'objectifs qu'on peut mettre à l'intérieur. Mmh. Vous verrez par les photos, là, c'est vraiment phénoménal. Là. C'est incroyable le nombre d'objectifs qui rentrent là-dedans. Plus les accessoires, plus une tablette, plus un laptop. Oui. C'est incroyable. Là. Il en rentre des choses à l'intérieur. Moi, je trouve ça gros, là, okay. Mais... Mais tu parles d'accessoires, c'est ça? Il y a des pochettes comme pour les cartes mémoire, ces trucs-là? Exact, c'est ça. Il y a une grosse pochette dans laquelle on peut mettre beaucoup de gros accessoires, là, comme je disais, là, un iPad ou un flash ou des choses comme ça. Mais il y a vraiment une poche en bas du sac qui nous permet, là, avec des sous-divisions, de mettre 2-3 objectifs plus ton appareil photo. C'est gros, là. C'est un gros gros sac. Vite, là, tu sais... Quand on manipule le sac, on sent que c'est quelque chose qui va durer. Là. Juste le matériel, comme je disais, est vraiment de bonne qualité. Puis je pense pas que... Pour ce qui est du prix, je suis pas trop sûr là, parce que j'ai pas réussi à retrouver le modèle tout à fait exact. Là, mais c'est une centaine de dollars à peu près. Parce que le problème, c'est qu'on me l'a donné, mais oui, j'ai pris le modèle, mais il y en a deux presque identiques. C'est les dimensions qui sont pas tout à fait. Puis j'ai pas pris tout à fait le bon. Fait que je sais pas lequel des deux qu'on m'a prêté. Mais c'est une centaine de dollars les deux. Là. Fait que je pense que pour ce prix-là, on a un produit de qualité. Ben, je vais mettre les deux modèles dans les notes. Ouais, c'est bon, excellent. C'est ça. La seule différence, c'est qu'il y en a un qui est un petit peu plus gros, c'est jusqu'à un portable de 17 pouces, puis l'autre, c'est de 15 pouces. Okay. Fait que c'est ça la différence. Là. Mais bon, tu sais, ça peut être un produit intéressant. Je serais curieux de voir les autres sacs à dos que Manfrotto donne. Là. Mettons que celui-là m'a mis en confiance. Ça, c'est quelque chose qui est très intéressant. Non, ben c'est bien. Toujours chez Manfrotto, là, François, toi, t'as testé? Oui, j'ai testé un trépied. Ah, Manfrotto. Ben voilà! La raison pour laquelle on connaît les compagnies, finalement. Oui, Manfrotto, oui, oui. Comme tu disais, Christian. Ouais, moi, c'est un petit trépied de voyage. Quand même assez compact et léger. On parle de 40 cm de long par une fois qu'il est replié sur lui-même. Ah oui, c'est pas beaucoup. D'un poids de 1,36 kg. C'est vraiment parfait pour rentrer dans ton bagage de soute. Mmh. Quand tu fais un voyage en avion, ça fonctionne. Tu n'es pas obligé de le mettre dans le cargo, fait que c'est parfait. Ça vient avec un petit sac de transport qui épouse vraiment bien le trépied. C'est comme une paire de jeans neufs que tu enfiles. C'est vraiment, là, il fit là, super bien. Quand... Attends, tu dois refermer la fermeture éclair avec une fourchette. Oui, c'est ça. Quand tu le prends en main, le trépied, c'est vraiment... on sent la construction solide. Là, okay. Ils sont reconnus pour ça. C'est pas pour rien. Ils sont vraiment... c'est bien ce qu'ils font. Là, mm-hmm. Ça, il peut supporter 4 kilos. Fait qu'on peut installer quand même des caméras. Oui. On peut y aller avec une caméra vidéo dessus. Ça va 4 kilos, ça donne 8 livres. Là, c'est... Presque 9 même. Oui, ouais, c'est quand même... Ouais, c'est vrai, c'est un petit peu plus que le double. C'est vraiment solide. La tête sphérique, parce que j'ai cherché la traduction de ball head. Parce qu'on dit toujours ouais, ouais, tête non, sphérique. C'est bon. C'est bien. Elle est faite en aluminium, comme le standard se fait généralement dans chez Manfrotto. C'est assez basique comme tête, mais c'est vraiment de bonne qualité. Okay. Le petit piton qu'on utilise pour la barrer en position, là. La petite manette, pas de problème, on peut serrer quand même assez fort sans que ça casse, qu'on ait le feeling que ça va casser. Oui, la construction est solide. Oui, est solide. Okay. Les pattes, ils ont 4 sections. Ça donne 1,44 m avec les colonnes, avec la colonne centrale qui est extensionnée. Fait que pour un trépied qui se replie jusqu'à 40 cm une fois qu'il est refermé, ouais. C'est presque à la hauteur. Ben c'est ça pour nous trois. Ben, en tout cas, moi, en tout cas, ça me prend un trépied de, mettons, 1,60 m. Puis même, François, tu es plus grand que moi. Ouais. Christian, à peu près dans la même grandeur, en tout cas. Ouais. Mais 1,44 m, déjà, si tu es en voyage, c'est tu ça. Veux voyager compact, c'est léger, 20 cm, tu peux te pencher un peu. Là, c'est pas... ouais, exactement. Tu peux faire le sacrifice. Le bout des pattes, il est fait en caoutchouc. Donc, ça va empêcher de faire des marques sur des surfaces plus fragiles. Ah, oui. Si tu mets ça sur une table, des trucs comme ça, c'est des petits détails qui font que justement, tu ne vas pas endommager rien. Ben c'est vrai. À 40 cm, tu peux faire de la photo de produit. Ou... Exactement. Ouais, une fois qu'il est replié, quand tu fermes toutes les sections, puis tu peux tomber assez bas. La façon qu'il se replie, c'est intéressant parce que traditionnellement, un trépied, ça se referme autour de la colonne. Ouais. Puis tu peux sortir la colonne une fois qu'il y a trépied. Mm-hmm. Lui, c'est l'inverse. Il va se replier par le haut autour de la colonne. Ah, okay. Donc ouais. Autour de la tête aussi, c'est ça? Autour de la tête, exactement. Ah. Le bas des pattes revient se refermer sur la tête. Okay. Ce qui est commode pour ça, c'est quand tu veux l'accrocher quelque part, tu te poignes pas. Parce que souvent, moi, j'ai vu, tu sais, mettons comme des bandoulières, puis ça, les pattes se poignent quand tu le descends dans l'espèce de bandoulière. Tandis que là, ils sont dans le sens inverse, fait que tu peux pas te prendre. Exactement. C'est pas un nouveau. C'est pas un nouveau concept, mais non. Je trouve ça commode. Oui, oui, c'est très commode. Ça fait que la tête, par exemple, doit être placée d'une certaine façon pour pas que les pattes viennent. Oui, hein? Ouais, même que la... Il y a une espèce de petite encoche pour la troisième patte pour que ça fitte bien. OK. Quand on referme... Tu sais, c'est dur à expliquer un peu, ouais, mais... Oui, mais ça demande une certaine précision là, quand tu le fermes, bah, ou presque. Oui, exactement. Il faut juste anguler la tête pour que les pattes se ferment bien ensemble. Mais l'avantage de ça, c'est que vraiment, l'espace utilisé par les trépieds est vraiment minime, là, t'sais. Le système de barreau des pattes, c'est vraiment solide. C'est pas rapide à cause de ce que je viens de vous expliquer, mais c'est vraiment efficace. Mm-hmm. C'est la plaque, quand on installe la caméra sur la tête, il y a une espèce de système à deux actions pour la barrer. C'est vraiment, mais vraiment sécuritaire. Les chances que ça tombe tout seul sont assez minimes, je dirais. Donc, je vais y aller avec les plus puis les moins pour ce que j'ai trouvé de ce trépied-là. Le look est vraiment pro. Quand on arrive... sur un shooting avec ça ou n'importe où. Si jamais c'est important que le client voit avec quoi qu'on travaille, ben c'est vraiment le look qui est bon. Le poids et l'espace requis dans les bagages versus sa solidité en font vraiment un bon trépied à acheter. Du côté négatif, ben il n'y a pas de bulle quand on fait le niveau avec la tête. Okay. Ça, moi, je trouve que c'est un tout petit ajout à mettre sur un trépied. Je ne comprends pas pourquoi ça ne vient pas avec tous les trépieds. Mm-hmm. Ça ne prendrait pas vraiment plus de place. Ouais. Et puis, comme je disais tantôt, il faut placer la tête dans un certain angle quand on referme le trépied. Okay. C'est un trépied qui vaut 200 $ canadiens, qui, franchement, pour le prix, je trouve qu'il est vraiment, mais vraiment bien fait. C'est peut-être ça. Malheureusement, ils ont peut-être dû couper quelque part pour le mettre. Il se vend probablement 199,99, puis ils ont enlevé le niveau, quelque chose comme ça, pour arriver en dessous. Je sais pas. Ouais, rendu là, c'est des grenailles, mais effectivement. Mais on regarde, tu sais, les Sony A7, A7R, ils n'ont pas de chargeur qui vient dans la boîte, puis c'est des appareils à 1700 ou 2300$. Il n'y a pas de chargeur. Il faut le brancher par câble USB. Ouais. C'est un peu ridicule. Oui, mais, là, tu dois t'acheter un chargeur à 50 quelques dollars, mais c'est ce qui fait la différence. Ouais. En tout cas. Ouais. Ben, c'est discutable, mais malheureusement, c'est des décisions que les entreprises prennent parfois. Mais enfin, ça n'enlève rien au trépied, remarque. Tu prends ton iPhone ou ton appareil, tu t'en sers comme niveau. Ouais. Bon, ben parfait, merci beaucoup. Christian, de ton côté, petite critique du Fujifilm X-T1 que tu as pu essayer. Un autre appareil que, ben, en tout cas, je sais que dans le passé, j'ai déjà dit que j'avais un faible pour les Fuji, et celles-là n'ont pas fait exception. Étonnamment, le pire, c'est que les premières fois que je l'ai eu dans les mains, je revenais de ma critique du Olympus OMD, EM10. C'est ça. Puis, je sais pas, au début, j'étais comme pas conquis. Ça m'a pris un petit peu de temps pour m'habituer. Puis finalement, ben, plus je l'utilisais, puis j'ai commencé à l'apprécier. Pourquoi je dis ça? C'est ce qui est particulier de cet appareil-là, c'est qu'il y a beaucoup de molettes dessus. Et les molettes, c'est ça qui va déterminer, c'est la vitesse à laquelle que tu mets, c'est ton ouverture, c'est ton ISO, tout est vraiment manuel. Physique, ouais. Tout est manuel, tout est physique. Ce qui est un petit peu mélangeant un peu au début, disons que tu sais pas trop où c'est que tu t'en vas avec ça. Mais tu t'habitues quand même assez rapidement. Puis ben, je dois confesser immédiatement, il nous a été prêté avec un objectif 56 mm 1.2, qui est probablement le meilleur objectif que j'ai essayé de ma vie jusqu'à présent. Il est incroyable. C'est incroyable. Mais il est presque aussi cher que l'appareil lui-même. Ouais. L'appareil est 1200$, puis l'objectif est 1000$. Ah, c'est ça. Mais il y a quelque chose. Je veux dire, j'ai pris des photos, là, c'est incroyable. Là. Je veux dire, la profondeur de champ que tu peux avoir à 1.2, puis l'équivalent, dans le fond, en 35 mm, c'est 85. Mm-hmm. Fait que c'est pour faire des portraits, là, c'est magnifique. J'ai fait des photos sublimes de mes enfants avec ça. Là. Même moi, là, j'ai regardé ça, puis j'ai fait... Ouais. OK, là, vraiment, là, ça m'a tenté de l'acheter direct là. Là. Sincèrement, là, j'ai été agréablement surpris. Plus que ce que je le pensais. À 1000$, c'est pas cher pour un 1.2 quand c'est tu pas... regardes ce qui se fait ailleurs. Ouais. Considère, ben, le 85 mm de Canon, c'est 1800 si ma mémoire est bonne. Puis il est beaucoup plus gros, beaucoup plus lourd. Fait que c'est pas un... Le prix est pas cher, c'est juste parce que c'est quand tu considères que l'appareil est 1200 et que l'objectif est 1000$, c'est là que tu fais comme... Ouf, ouais, c'est... Mais bon, je vais vite passer au travers rapido des spécifications. On parle d'un capteur de 16 mégapixels, un boîtier tropicalisé, ISO de 200 à 6400, extensible jusqu'à 51200, je dirais. Puis ça, c'est peut-être le bout qui m'a étonné le plus. C'est que normalement, on se dit, bon, c'est jusqu'à 6400, ça va être sur le... Non, 6400, il y a encore des très belles photos avec peu de bruit. Puis à 12800, c'est là qu'on dit, moi, là, ça commence à être un petit peu trop. Comme je disais, bon, c'est ça, toutes les choses, là, on a l'ISO, on a la vitesse de l'obturation, on a la exposure compensation, compensation d'exposition. Exactement, merci beaucoup. Tout est vraiment des molettes sur le dessus. Ça peut être gossant, mais j'ai d'ailleurs une petite réserve par rapport à ça. 8 images à la seconde, le Wi-Fi, Full HD en 1080p. Et le viseur est évidemment pas optique, c'est un autre viseur électronique. Vous savez ce que j'ai déjà pensé dans le passé. Eh bien, étonnamment, le viseur tombe dans mes points positifs. Ah. Je l'ai trouvé mieux que ton A7. Ah oui? Vraiment. OK. Pour l'avoir essayé, j'ai pas vu une grosse... Moi, j'ai... Différence, là, mais... J'ai trouvé que ton A7, les couleurs étaient un petit peu moins belles et le refresh rate, là, le taux de rafraîchissement était un petit peu moins bon. En tout cas, c'est mon impression. Je ne l'ai pas utilisé aussi longtemps, je vais être honnête. Mais l'impression rapide, là, je l'ai trouvé mieux que ton A7, moi. Comme j'ai 8 images à la seconde, ça, c'est super. L'ISO utilisable à 3200, 6400 et plus, c'est parfait. Super. Encore une fois, bon, le fameux petit look rétro qui n'est pas désagréable. Oui, il était beau. C'est assez solide, assez compact, par contre, mais avec les bons objectifs. Là, parce que l'autre objectif... Il nous a été passé avec trois objectifs. Avec le 56 mm, on vient d'enlever le mot compact là, du vocabulaire. Là, c'est assez gros. Là. Ouais. Il est presque aussi gros que l'objectif 18-55. Là, les deux, là, même je pense que le 56 est un petit peu plus gros. Là. C'est vraiment massif. Par contre, l'autre objectif qui nous a été prêté, c'est un 27 mm, ce qu'appelle le pancake, là, les crèves. Mm-hmm. Ça, je l'ai bien apprécié. À 2.8, là, prenait pas beaucoup d'espace. Presque capable de le traîner dans une poche. Presque. Le Wi-Fi fait partie des bons et des mauvais points, encore une fois. Quand ça marche super bien. Quand ça marche. C'est le genre d'affaire que tu peux utiliser puis que tu peux faire des photos à distance avec ton application Android. Avec iOS, j'ai eu tous les mises à jour du monde. J'ai pas été capable de transférer rien avec mon téléphone, mais ma tablette Android, ça a fonctionné. C'est vraiment un problème d'application en tant que tel. Dans ce cas-là, j'ai cru comprendre. Tu vois, tu dénigres souvent ta Nexus 7. Là. Ouais, pour une fois, elle m'a servi, oui. L'autre point négatif, je dirais, puis c'est probablement celui qui m'a agacé le plus, c'est que le fait que c'est des molettes, c'est sympathique, mais la molette de l'ISO, j'ai vraiment pas aimé ça. Mm-hmm. Parce que... Non, c'est spécial parce que Vas-y, mais je suis sûr que j'ai la même impression que toi. C'est parce que c'est pas quelque chose qui se change comme facilement puis auquel tu réfléchis à penser. Mm-hmm. Puis l'ISO automatique est étrange et pas super. Bon, d'habitude, je le mets rarement à ISO automatique déjà en partant. Puis je sais pas, ça fait comme... Bon, là, il faut que j'ajuste mon ouverture. Là, il faut que j'ajuste ma vitesse. Ah, là, il faut que j'ajuste mon... C'est trop, là. À un moment donné, là, ça commence à être un petit peu trop. J'avoue que l'ISO... La molette, ça m'a pas vraiment plu. C'est peut-être le point le plus négatif que j'ai trouvé de cet appareil-là. Non, c'est ça. C'est qu'on n'a pas l'habitude d'avoir une molette pour l'ISO. Donc, on n'est pas... On n'est pas porté à y penser, c'est ça. Après presque deux semaines, là, je commençais tranquillement à m'habituer, mais j'ai pris beaucoup de photos qui étaient justement... Là j'étais comme, ben pourquoi je suis pas capable de la... Ah, oui, OK. Là, c'est là que je suis allé gosser avec les boutons. Fait que je vais juste faire une petite mention rapido, là, comme je disais, là, bon, les trois objectifs, vite. Fait qu'on disait, bon, on a un 56 mm 1.2, superbe, solide, deux points négatifs, c'est vraiment pas léger. Mm-hmm. C'est assez lourd, c'est là. C'est massif. Ouais. Et le prix, à 900$. Le 28 mm 2.8, bon, ben, c'est un pancake, minuscule. Étonnamment, qualité... C'est assez surprenant. J'ai pris des très belles photos, puis c'est 200$. Ça, c'est une vraie blague. Là, pour le prix, ça vaut vraiment la peine. Parfait. Puis le troisième, c'était le 18-55 2.8 à 4, qui est bon. Un petit peu gros, j'ai trouvé. Un peu lourd, mais potable. Là, ce système est correct. Parfait. Bon, ben merci beaucoup. Et maintenant, on va faire mon procès, il semblerait. Mais on va parler de... T'as rien qu'à acheter moins de choses, ça va être correct. Parlons du syndrome d'acquisition de matériel, le Gear Acquisition Syndrome. Oui, est-ce que vous êtes atteint, vous, l'auditeur? Oui. Hein, est-ce qu'il y a quelqu'un parmi les auditeurs qui me comprend? Je suis sûr qu'il y en a quelques-uns, là, au moins un ou deux. Là. Un ou deux, oui. Une petite mise en contexte, Stéphane, pourquoi tu dis que tu es atteint de ça? Non, ben je crois pas que je sois atteint, mais en fait, la première étape, c'est le déni. Tout le monde le sait. Exact, oui, c'est ça. Mais non, mais le syndrome d'acquisition de matériel photo, c'est évidemment de changer rapidement et régulièrement son équipement, son matériel. Et bon, peut-être que j'en suis atteint un peu. T'es rendu à combien d'appareils photo? Ben là, je les vends, les autres. Là, Non, c'est pas ça qu'on dit. T'es rendu à combien d'appareils photo? Ben, voyez-vous, j'ai commencé vraiment... Mon premier réflexe, je l'ai acheté en juillet 2009. Et ensuite, j'ai acheté le deuxième en septembre 2011. J'ai acheté le Nexus en fin 2012. Et le Sony A7 fin 2013. T'es toujours je à pense jour. Que le verdict... Oui, mais j'essaie d'y aller quand même du côté pratique. C'est le premier et le deuxième, c'était des Canon, donc j'avais pas à me racheter d'objectifs nécessairement. Mm-hmm. Ah. Et le premier et le troisième et le quatrième, c'était des Sony, donc les piles et les objectifs sont... Mais laisse-moi, en tant qu'avocat du diable, en racheter une de plus. Combien d'objectifs que tu as en tout et partout? Ah ben j'en ai hérité de quelques-uns. Ouais, ouais. Non, sans compter ceux-là, sans compter ceux-là. Côté Canon, j'avais le 50 mm, mm-hmm. J'avais l'objectif de base 18-55. Oh, ouais. J'avais acheté le Sigma 1650. OK. Continue. Puis là, avec le Nexus, venait un objectif de base, le environ 17-55, quelque chose comme ça. Puis l'été dernier, avant que Sony fasse l'annonce du A7 et du A7R, j'avais décidé de m'équiper un peu plus parce que j'aimais beaucoup le petit Nexus, l'aspect portatif, mobile et tout ça. Donc, j'avais acheté un 50 mm et un Tamron 18-200. Non, mais ça, je suis un peu déçu, par contre, honnêtement, parce que... Non, non, mais pas, je suis pas déçu de l'objectif. Okay. Je suis déçu d'avoir fait ces achats-là. Ah, ouais, sachant le deux mois à peu près, un mois et demi, deux mois avant que Sony annonce le plein capteur. Malheureusement, ça arrive à tout le monde dans n'importe quel... Tu sais, quelqu'un va s'acheter une tablette, puis le nouveau modèle sort deux semaines après. Ça arrive à tout le monde, puis malheureusement, ben là, ça m'est arrivé, parce qu'à date, côté Canon, j'avais pas eu de problème, puis... Avec le Nexus, déjà, juste l'objectif de base, je l'aimais bien. Mais là, je me suis dit, ben ça me prend un objectif pour les portraits, 50 mm. Ben oui, quand même. Là, oui. Ça me prend, au lieu d'un... Ben oui, c'est ça. Comprenez-moi. Non, mais c'est ça. Honnêtement, si Sony n'avait pas annoncé d'appareil plein capteur, j'aurais pas nécessairement acheté d'appareil l'année dernière. Mais bon, c'est arrivé. Oui. Alors voilà. Mais là, petit à petit, je revends. Le XSI est vendu. Et là, le 60D... Il va être vendu la semaine prochaine. Oui, incessamment. Non, mais il est vendu, mais je vais faire la livraison la semaine prochaine. Donc, je quitte l'univers Canon officiellement et complètement dans quelques jours. Non, mais attends, Christian, toi, tu mine de rien, tu trouves que ton 7D vieillit. Puis là, t'aimes beaucoup les Fuji, énormément, les Olympus de ce monde. OK, mais je vais vous poser une question. Oui, je suis d'accord, mais est-ce que je les ai achetés? Ah non, mais t'es infidèle en pensée, pas mal plus que moi. Ben, le problème, mon problème, c'est que la seule option que Canon a faite dans le... l'hybride, c'est pas la mer à boire. Non, là. Le OSM. Le OSM, là. Il y a le OSM 2 qui est un petit peu mieux, là, mais c'est pas... honnêtement, je vous dirais que j'ai failli en acheter un usagé parce qu'il y avait des deals incroyables. Je n'ai vu à 250-300$ l'OSM. Ouais. C'est pas un appareil écœurant, sauf que c'est un capteur APS-C. Oui. Ben, c'est pour ça que j'avais aimé le Nexus en partant, parce que du côté de Canon, il n'y avait rien qui se faisait à ce moment-là. Tu sais, à l'automne 2012, il n'y avait rien. Puis, c'est un capteur APS-C aussi, donc c'était parfait pour aller en voyage puis faire ces trucs-là. Mm-hmm. Mais là, moi, j'analyse ta situation. Là. Ton objectif vient de rendre l'âme, fait qu'il t'en reste un. Deux. Deux, OK. Ah, ou 50 vieil... ou quelque non, chose même comme pas. Ça? Non, même non, pas. Non, j'ai un vieil objectif, un 70-210. Ah, OK. Mais ton appareil prend de l'âge. Oui. Mais je t'avoue, franchement, Stéphane, que tout le monde, je pense, passe par là un moment donné d'avoir c'est deux, ça. Trois ou quatre appareils. Ouais. Puis à un moment donné, on devient un peu plus sage. Puis on prend notre temps. Ah, ben là je viens de m'assagir. Là. Parce qu'à un moment donné, ça va tellement vite, ta technologie. On l'ajoute aujourd'hui, demain, il n'est plus bon. Exact. Ben, je comprends. Ben, demain, il est dépassé. Ouais. Il est dépassé. Puis souvent, maintenant, je pense. Ben, en tout cas, moi, dans mon cas, j'ai eu 5 appareils numériques. Oui, en partant des compacts, puis après des SLR. Et, maintenant, j'investis peut-être un peu plus sur la lentille. Ouais, et je prends mon temps énormément avant de changer d'appareil. Tu vois, son point est excellent. Mon prochain achat, ça va être un objectif. Ça ne sera pas un appareil. Parce que, oui, les limitations, particulièrement, moi, ce qui me tue, c'est l'ISO de mon appareil photo. Parce que pour le reste, je suis encore super satisfait de mon appareil. Je l'adore. J'ai pas le goût de le changer. C'est juste ce côté-là. Mais si je m'achète un excellent objectif avec une très grande ouverture, je vais être capable de compenser en partie. Ben exactement, c'est ce que j'allais dire. Parce que si tu es déçu de l'ISO, c'est parce que ton objectif n'est peut-être pas assez rapide. Voilà. Donc à ce moment-là, en investissant dans un bon objectif... Ben tu vois, celui sur lequel j'ai l'œil, là, c'est 85 mm 1.8. Mm-hmm. C'est pas très, très, très cher. Là, on parle de 400-500$. Ouais. Pour moi, c'est ce que j'ai les moyens de me payer en ce moment. Puis ça ferait bien mon bonheur. Oui, absolument. Parfait, mais bon, on n'est pas tous comme Stéphane, là, tu sais. Non, ben là... Au combien de mois, finalement, Stéphane? Oh, en moyenne, c'est plus qu'aux 12 mois, là, quand même. Oh, en moyenne! En moyenne! Ben là, il parle des appareils, il parle pas des lentilles, là. Ouais, c'est des ça. Objectifs, ouais, ouais, c'est ça. Aïe, aïe, aïe. Non, mais tu sais, je veux dire, c'est correct, t'as le droit, tu sais, on a tous nos petits, comment je peux dire, nos défauts, tu sais. Ou notre côté jaloux, là, tu sais. Ouais, ça aussi. Ouais, vous avez tous votre côté jaloux. Il y a un peu de ça, quand même. Oui, quand même, quand même. Ah non, mais non, c'est bien. Mais j'aimerais ça, quand même, pouvoir dire, bon, ça va. Ben là, maintenant, je le dis parce que j'ai mon compte de banque est vide. Ouais, c'est mais c'est ça, j'ai pas le choix de m'assagir parce que... Là, avec les objectifs, l'appareil, ouais. Là, à un moment donné, ben, on a pris la décision de ne pas faire de voyage l'année dernière, tout ça. Ben, j'ai dit, j'ai 40 ans, un cadeau. C'est son cadeau. Mmh. Mais là, j'ai triché parce que je m'étais déjà payé deux objectifs à mes 40 ans en cadeau, mais c'est pas grave. C'était dans la même année. Mais non, sérieusement, je pense que là, je suis équipé pour faire un bon bout de chemin. Bon, j'ai pas le 70-200, mais il est pas sorti. Donc, on te reparle dans 6 mois? Ouais. Ah, il sort avant ça. Oh, il est déjà commandé. Non, il est pas commandé. Non, non, non. Mais non, blague à part, je me sers quand même de mon équipement pour mon travail, donc j'ai la chance. Ouais, ben c'est ça, ça te sert aussi. C'est ouais. Une dépense pour mon travail. Donc, mais... Tu sais, pour aller dans le même thème, est-ce que tu vas être tenté d'aller acheter aussi le moindre petit cossin, tu sais, disons le petit accessoire que tu vas voir sur Photo Jojo, qui va améliorer ton équipement. T'sais, tu vas avoir besoin d'avoir absolument ce petit réflecteur-là ou ce petit support de caméra-là. Ou... Je suis très peu axé sur les accessoires. Puis d'ailleurs, j'ai mon flash avec le Canon, le 60D, j'ai un 580 EX2 qui est un excellent flash. Mm-hmm. Mais je le vends. Puis là, j'ai pas de flash pour mon Sony, mais pour le moment, je considère que j'en ai pas besoin, donc je vais pas aller faire une dépense inutile, acheter un flash parce qu'ils sont quand même assez chers du côté de Sony. Là, si on prend pas le flash de base, là, le flash externe de base, ils sont quand même assez chers. Donc je vais pas aller faire une dépense inutile. Mon flash avec le 60D, ça fait des mois qu'il m'a pas servi. Donc là, ben je le vends, puis c'est même pas c'est avec aucun regret parce que il me servait pas là. Donc, éventuellement, si un jour je vois que j'ai besoin d'un flash, ben là, à ce moment-là, de l'eau aura coulé sous les ponts. Peut-être que Sony aura lancé un autre flash, peut-être plus abordable, là, moins cher un peu. Mais en ce moment, non, je considère que ça serait une dépense un peu inutile. Là, on parle de flash, mais tu sais, ça pourrait être, je sais pas moi, un sac de transport. Tu vois, un nouveau sac. Non, non, on se rappellera qu'il y en a déjà un excellent avec le objectif numérique dessus qui a payé quelques dollars. Oui, oui, mon sac de Undefined. Oui, oui, oui, que tu as fait faire, ouais. Mm-hmm. Oui, ben, j'ai pas fait faire le sac. J'ai acheté le sac, mais j'ai fait broder le logo d'objectif numérique dessus. Oui, oui. Ouais. Quand même. Donc, non, puis c'est ça, ben, j'ai vendu un de mes sacs avec le XSI. Je vends un autre de mes sacs, le Tamrac, avec le 60D. Fait qu'il me reste mon sac à dos Low Pro et puis le sac Undefined, style messager, là, en bandoulière. Je limite un peu mon... Oh ouais, je réduis un peu mon parc. Ton parc. Enfin. Il vide son garage. Ouais, c'est ça. Par contre, il y a aussi l'inverse. Ben, pas l'inverse, mais un problème similaire. Il y a des gens qui font face à ce qu'on appelle la honte. La honte de son... la honte matérielle, si on veut. C'est... Il y a des gens qui ont l'impression, et c'est pas mon cas, c'est pas pour ça que je change d'appareil, c'est vraiment... en tout cas, je vais commencer par expliquer c'est quoi cette honte. Mais il y a des gens qui s'imaginent que parce que leur appareil a 3, 4 ans ou quelque chose comme ça, il est complètement dépassé et ils doivent changer parce que l'appareil est plus au goût du jour. Puis il fera plus des belles photos. Exactement. Ouais. Donc, ça, c'est aussi une autre espèce de syndrome. Mais en tout cas, j'ai pas réussi à me rendre peut-être à avoir un appareil assez vieux pour ça. Mais on s'en reparle. Oh my God. Clairement, non. Non, vraiment, là. Pour vrai, quand je suis passé au 60D, je trouvais que le XSI manquait de fonctionnalité. Ben oui, c'est pour ça que t'es passé au 60D. Ben oui, mais il faisait pas de vidéo en partant. Puis à ce moment-là, tu sais, les téléphones intelligents, il y a 3-4 ans, faisaient pas de la super belle vidéo non plus. J'avais un iPhone 3GS qui faisait de la vidéo 640x480. Fait qu'éventuellement, ben, je suis allé chercher un appareil qui avait vraiment plus de fonctionnalités, mais... Bon, voilà. Alors, on va conclure l'épisode. Pas très haut, quand même. Non, mais sérieusement, avez-vous lu un peu l'article là, qui parle de ça, là, le camera shame qu'il appelle? Oui, bon. J'ai entendu parler aussi beaucoup. Hein. Oui, c'est ça. Ouais. Mais je comprends. Ben, regarde, on en a déjà parlé, là. Je veux dire, il y en a qui croient que... Exemple, très simple. J'arrive, j'ai un mariage à faire cet été. Mm-hmm. J'arrive avec ton asset, je sais que je vais me faire regarder bizarre. Puis pas, c'est pas du shame dans le sens que nous autres on pense, mais dans non, le sens c'est que... Non, c'est par la perception des par gens. Par la perception des gens, ça avec, ça a aussi un impact, là. Oui, mais moi je viens de trouver un aspect positif à ça. Arriver, à, disons, avec un asset, là. Bon, premièrement, t'arrives pas en te baladant avec ton appareil non, devant tout le monde, regardez avec quoi je vais vous photographier. Mm. Mais j'ai entendu quelqu'un, justement, qui disait, ben... Moi, photographier un mariage, là, je préférerais un appareil comme ça parce que tu vas être moins intimidant pour les gens, tu vas mieux te fondre dans la moins parmi les invités. Puis... Tu veux-tu mon opinion sur la chose? Pour en avoir déjà fait un, le monde te voit plus. Ouais, à un moment donné, avec l'alcool. Non, même bien avant ça. Mais c'est vrai, oui. Soit dit en passant, c'est un fait qui est tout à fait vrai. Parce qu'à un moment donné, vers la fin de la soirée, le monde ne se rend plus compte que tu es là du tout. Mais même bien avant ça... De un, les gens qui sont dans un mariage savent qu'ils vont se faire prendre en photo. Ouais. L'acceptent généralement assez bien. Mm-hmm. T'es là pour filmer quoi? T'es là pour filmer les mariés. Les mariés t'ont payé pour que tu sois là. Ouais. Fait que c'est sûr et certain qu'eux autres, c'est ceux qui sont le plus d'accord à ce que t'es fait. Ah oui, c'est clair. Mais tu peux prendre plus des photos candides, tu sais, sans que les gens vraiment se retournent parce que « Ah, le photographe est là, on va prendre la pose. » C'est vraiment pas un problème. Ouais. Si t'es le moindrement discret, puis c'est ce que j'ai aimé justement de mon objectif, le 24-105, parce que tu peux quand même être un petit peu plus loin des gens. Puis ils ne s'en rendent pas trop compte. Fait que moi, je me promenais comme en périphérie, puis j'ai pris plein de photos des gens qui faisaient juste parler juste avant la réception, puis tout ça. T'as enfin trouvé une utilité à ton costume de ninja, c'est ça pour... Non. Ah, c'est quoi l'histoire du costume de ninja? Alors, moi, ça n'a rien à voir. C'est n'importe quoi. Surtout moi dans un costume de ninja. En tout cas, bref. Non, mais tout ça pour dire que... Ouais. Mais c'est ça. Mais je sais pas si c'est... Je comprends un peu le point de vue, mais je sais pas si c'est vraiment tant que ça un impact. Mais non, mais c'est ça. Il y a des bons côtés à garder son appareil plus longtemps, sérieusement. Parce que... Ben, c'est sûr. Là, t'es connais? Les avantages à garder son vieux stock, ben, si on a une série d'objectifs qui valent quand même assez cher, mais comme disait Pascal dans leur dernière émission, c'est ce qui fait qu'il est resté en Pentax. Oui. C'est vraiment pas un mauvais point. Là, oh, c'est les objectifs qui sont les plus chers, souvent. En tout cas, quand on a une bonne série d'objectifs, c'est les plus chers, puis ça se perd pas, la qualité de ça. C'est pas pour rien que la valeur des objectifs, elle reste élevée. Et très stable. Mm-hmm. Oui, puis il y a plein de photographes puis de personnes en vidéo qui utilisent des objectifs des années 70. Mm-hmm. Souvent, les Nikon sont populaires pour ça, parce qu'ils sont adaptables à plusieurs... type de caméra, plus que les Canon, justement, juste pour faire un aparté là-dessus. Oh oui. Donc, ça a une valeur de garder ça. On n'est pas obligé de se renouveler. La qualité du verre va rester excellente si elle n'a pas été entreposée dans l'humidité ou ce qui pourrait se développer des champignons à l'intérieur du verre ou tout ça, ou des saletés. Ben, moi, en tout cas, c'est un point hyper important. C'est pour ça que j'ai encore mon appareil qui date de 4 ans, 5 ans, parce que les objectifs, ben, j'ai mis de l'argent sur les objectifs. J'ai des objectifs à ouverture 2.8 là, au complet. Mm-hmm. Je suis équipé pour faire avec des objectifs rapides. Là, un autre point aussi là-dessus, là, de garder son boîtier longtemps, c'est qu'à un moment donné, plus que tu vas l'utiliser longtemps, plus que tu vas le connaître, plus que tu l'as apprivoisé, puis tu vas faire plus de choses. Que toujours en train de changer, réapprendre. C'est vrai. Hein? Ouais. Ça, je le vis, par contre. C'est justement, je suis bien placé pour en parler, parce que à changer souvent de boîtier, moi, je vous dirais, je retombe... Ben là, ça commence là, à changer, mais quand j'ai acheté, disons, le Nexus, ou quand j'ai acheté l'A7, si je retombais avec mon 60D, j'étais plus en terrain connu, je savais tout de suite où aller changer mes trucs. Tandis que là, l'A7, même, il y a encore des trucs où ah oui, c'est vrai, c'est là. Ah oui, je cherche un peu, puis ça peut me faire perdre 2-3 secondes des fois, puis je peux manquer des photos là, s'il y a des trucs qui se passent devant moi. Puis... Fait que ça va venir avec le temps, mais c'est vrai qu'en gardant son boîtier longtemps, ça devient comme une seconde nature. C'est vraiment... un outil qu'on apprend à vraiment maîtriser. Ben Pascal, c'est un super exemple pour toi, parce que toi, tu voyages beaucoup, puis tu as des groupes avec toi. Oui. T'as pas le temps de faire de la photo aussi longtemps. Ben, tu t'arrêtes moins, là. Mais, en tout cas, moi, dans mon optique, je m'arrête beaucoup moins que je que je pourrais m'arrêter si j'étais tout seul. Ça, c'est bien clair. Ouais. Prends... Donc, de connaître ton appareil, tu sais, c'est un gros avantage. Combien de temps, là? Pardon? Tu l'as depuis combien de temps, ton appareil? Celui-là, le dernier, il me semble, c'est 4 ans à peu près. Bon, c'est 4 ans, puis tu regardes ses photos, puis vraiment, tu sais... Ben ça marche, là, tu sais. Ben oui. Hein, Steph? Ah oui. Non, mais... On s'en reparle dans 3 ans. Ben oui, oui, c'est ça. Non, non, ton 5 appareils plus loin. Ton A7, il y avait des affaires qu'on aime dessus, par exemple. Ça, c'est oui. Mais, ben, c'est ça. Moi, j'ai... Oui, j'aime les gadgets. On dit pas que la décision de changer souvent a été mauvaise. On dit juste que, bon, c'est comme... Est-ce que c'est réellement nécessaire? C'est ça. Non, mais la question ça, de se poser. Non, mais honnêtement, on va... Regarde, je vais faire une fleur à Stéphane. C'est notre animateur. Mais ça dépend de qu'est-ce que t'en fais. Puis je sais que Stéphane, il l'a dit, c'est vrai qu'il l'utilise beaucoup. Tu sais, il y a des événements, qui va faire des photos, des choses comme ça. Fait que le A7 a probablement beaucoup d'avantages par rapport à ce que lui veut faire. Fait que c'est sûr que pour ça, c'est plus le Nex là, qu'on comprend pas. Là. Ça, c'est... Ben, c'est l'aspect vraiment ultra compact qu'il y avait, mais là, maintenant que l'A7 est sorti, c'est clair que le Nex a perdu un peu de... Ben oui, parce qu'honnêtement, la différence de grosseur entre les deux, oui, l'autre est plus petit, mais ton Nex, ton A7 est pas gros. Là. Non, non, c'est ça. Mais par contre, et d'ailleurs, quand je vais aller en vacances cet été, je vais apporter et le Nex et l'A7 parce que le Nex, avec le petit objectif de base, c'est ultra compact. Je peux l'apporter dans une poche de... Tu sais, c'est vraiment transportable. Tandis que si j'ai le Sony A7 avec le 24-70, ben c'est presque la longueur de réflexe. Ouais. Ouais. Je sais pas, moi je dois être un extraterrestre, je traîne ma 7D partout. Mais j'avais ma 7D. L'année dernière, en vacances, j'avais ma 7D, puis je l'ai pas regretté, sauf que si je pouvais avoir un peu plus compact, un peu plus léger... Ça dépend des personnes. Moi, tu vois, moi, je changerais pas ma 7D, j'avoue, pour le moment. Pourquoi je veux un appareil plus compact, c'est comme je l'ai dit souvent, c'est pour des choses, des affaires un peu différentes, là, où ce que vraiment la 7D, je peux pas traîner, parce que sinon, je traînerais la 7D partout. Oui. Parfait. Bon, ben, coudonc. Faisant que c'est parfait. Non, ben, il n'y a pas de réponse magique, hein. Il y a des gens... Jaloux. pas d'accord avec toi. Puis ouais, d'autres chanceux. Yeah, c'est ça. Voilà. Tout est dit. Ouais. Bon, on va terminer avec une petite suggestion de Christian. Tiens, une petite application iOS pas mal intéressante, finalement. Hein? On a eu une petite démonstration avant l'épisode. Ouais, c'est drôle parce que initialement, quand je l'ai essayé la première fois, le résultat était un peu moyen, mais... Quand on l'a réessayé juste avant l'épisode, le résultat était excellent, fait que ça a bien tombé. C'est une petite application qui s'appelle Cycloramic Pro 360. Dans le fond, regarde, aucune révolution dans ce qui est l'application en tant que telle, c'est-à-dire c'est pour faire des panoramas. Alors, on peut le prendre, on prend le téléphone, puis on fait un panorama de 360, parce qu'avec le iPhone, c'est quand même un peu plus limité que ça. Mm. Là où ce que ça peut devenir intéressant, puis sur le coup, ça m'a fait sourciller, puis OK, mais je comprends pas trop. C'est qu'on met le téléphone debout. Soit dit en passant, ce n'est que le 5 et le 5S que ça fonctionne. Mais on met le téléphone debout. Et le téléphone va tourner sur lui-même pour faire un panorama. Comment il fait? C'est qu'il vibre. Puis il fait tourner le téléphone avec la vibration. Parce qu'il y a des vibrations maintenant avec le 5 et le 5S qui sont... on peut éditer la vibration qu'on a. Fait que ça fait que si on reçoit un texto, on peut avoir une vibration personnalisée. Mais c'est avec ce concept-là qu'ils ont réussi à faire ça. Puis vous l'avez vu, c'est assez impressionnant de voir le petit téléphone tourner sur lui-même. Écoute, place-le sur la table qu'on l'entende, parce que c'est vraiment... Quand on part l'application, puis il vibre juste assez pour aller se placer pour la prochaine photo. C'est ça qui est vraiment incroyable. Il se fait un repère. Oui, à l'écran, on voit le repère. On voit où il va se rendre pendant qu'il vibre. Puis... Pour prendre la photo suivante. Fait que c'est vraiment... C'est incroyable. C'est très drôle à voir aller. Il faudrait quasiment faire une petite vidéo de ça. Ouais, ce serait une idée, mais... Fait que là, il commence en ce moment. Je sais pas si on l'entend beaucoup, mais... Si tu parles pas, oui. Ouais, voilà, une photo de prix. Puis là, il se place pour l'autre photo d'après. Et là, on est aveuglé. C'est quand même assez impressionnant, par exemple, de voir que... Juste avec la vibration, ils ont réussi à trouver le moyen de faire tourner le téléphone. C'est assez intriguant. Ouais. ça a dû arriver par erreur, par hasard. C'est quelqu'un l'avait déposé à la verticale, son téléphone, puis mais, là, il s'est mis à vibrer pour un puis appel. Le, puis... Il y a eu un bon flash. Ouais. Il s'est dit, attends une minute, toi, il tourne sur lui-même. Ouais. Qu'est-ce ouais. que je... T'sais? Alors, donc... on fait une photo 360. Ben on va la publier dans les notes, évidemment. Mais attendez-vous pas à une grande photo. Là. Bon, ah, non, c'est, non. C'est parce qu'il y a des concepts sur lesquels c'est mieux, mais la raison pourquoi moi, ça ne m'a pas impressionné initialement, c'est parce que sur mon bureau... Ah ben, vous voyez, justement, ça le fait. Là. C'est que ça dépend non, beaucoup de la surface. Je parlais à ceux qui sont ici. C'est que, dépendant de la surface, des fois, le téléphone ne tourne pas aussi facilement. Mm-hmm. Puis là, vous voyez, justement, il y a un petit peu de misère à tourner. Puis là, ben, si on y donne un petit peu une poussée, ben, ça bouge un peu trop l'objectif. En tout cas. Mais tout ça pour dire que ça dépend beaucoup de la surface qu'on utilise. Eux autres, ils conseillent le verre et une surface de plastique. Mais on a découvert que sur une table en mélamine, ça fonctionne. Ça fonctionne aussi. Très bien. Donc, c'est ça. Non, c'est une petite application qui est sympathique. Par contre, elle a un défaut. Elle est quand même. 3$, là, je trouve ça... Ouais, ben, c'est 3$, c'est le prix c'est d'un pas... café. Non, là, non, je pas... sais, c'est pas tant que ça, mais c'est parce que c'est un peu limité comme application. Oui. C'est plus par rapport à ça, tu sais, je veux dire... Puis, il y a aussi le fait que, si tu veux, exemple, il y a une façon aussi de prendre des vidéos en 4K. OK. 4 fois HD, en fait. Puis, pour l'avoir, ben, c'est 40 mégapixels. Et c'est 99 sous du plus. Fait okay. que là, on tombe à 4$. Fait que, tu sais, c'est comme... C'est pas cher, mais... Je sais pas vraiment, ça vaut-tu la peine? Je sais pas. En tout cas, c'est sympathique. Mm-hmm. Sans Parfait. Plus. Bon. Merci bien. Bon, ben, merci, messieurs. Merci. Merci, Pascal, de ta deuxième merci. Visite. Pour nous rejoindre, comme à l'habitude, commentaires, questions et suggestions, vous nous écrivez à podcast@objectifnumerique.com. Au prochain épisode, justement, j'en ai glissé un mot tout à l'heure. Je vais faire la critique du Nikon DF, entre autres choses. Et je vais vous parler d'un petit bidule qui s'appelle l'Astro. Puis un paquet d'autres sujets, comme à l'habitude. On va peut-être avoir un invité aussi, on va voir. Ça sera à confirmer. Donc, d'ici là, mesdames et messieurs, à vos déclencheurs!